comme égaré dans l'univers. Elle n'a plus que ça comme repère. Elle rit quand elle jouit. Elle rit quand elle jouit. C'est tout ce qui lui reste peut-être. Elle se sent comme extraterrestre. J'ai bien essayé de lui plaire, mais de ça elle n'a rien à faire. Elle rit quand elle jouit. Quand elle jouit, alors je la prends dans mes bras. Elle a du mal d'accepter ça. Mes mots finissent par la toucher. Elle pleure, c'est ça sa vérité. Alors on peut parler vraiment. Elle s'imagine avec enfant. Ensuite on s'allonge sur le lit. Et là, bien sûr, elle rit quand elle jouit. Elle rit quand elle que j'aime en plus qu'elle soit jolie, c'est que je sais quand j'ai réussi. Une dernière fois, je vous le dis, tout ce qui se dit ici reste ici. Elle rit quand elle